nature ne m'avait juré mon côté. Et qui protège, moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, je jure de mon côté. Hey! Hey! Je crédite la révolution, je crédite les institutions, je crédite les manifestations, je crédite la collaboration. Non, jamais je ne conteste ni revendique. Ne protège, je ne sais faire qu'un seul geste, celui des retournés.